L'Heptaméron des Nouvelles de Marguerite de Navarre, enregistré par Christiane Jehan. Deuxième nouvelle. Une muletière d'Amboise aima mieux cruellement mourir de la main de son valet que de consentir à sa méchante volonté. En la ville d'Amboise, y avoit un muletier qui servoit la Roanne de Navarre, sœur du roi François, premier de ce nom, laquelle estoit à Blois accouchée d'un fils, auquel lieu estoit allé le dict muletier pour être payé de son quartier, et sa femme demoura au dict Amboise, logée de là les ponts. Or y avoit-il longtemps que Ung varlet de son mari l'émoi si désespérément que Ung jour il ne se peut tenir de lui en parler, mais elle qui estoit si vraie femme de bien le reprint si aigrement, le menaçant de le faire battre et chasser à son mari, que depuis il ne lui osa tenir propos ne faire semblant, et garda ce feu couvert en son cœur jusque au jour que son maître estoit allé dehors et sa maîtresse à vespre à Saint-Florentin, église du Chasteau, or, loin de leur maison. Estant demeuré seul, lui vint en fantaisie qu'il pourroit avoir par force ce que par nulle prière ne service n'avoit peu acquérir, et rompit un guet qui estoit entre la chambre où il couchoit et celle de sa maîtresse. Mais à cause que le rideau, tant du lict de son maître et d'elle que des serviteurs de l'autre coustaient, couvroit les murailles si bien que l'on ne pouvait voir l'ouverture que la voie faite, ne fut point que sa malice s'aperçue jusque à ce que sa maîtresse fut couchée avec une petite garce de 11 à 12 ans. Ainsi que la pauvre femme estoit à son premier sommeil, entra le varlet, parlait qu'il la voit rompue dedans son lict, tout en chemise, l'espée nue en sa main, mais aussitôt qu'elle le sentit près d'elle, saillit dehors du lict en lui faisant toutes les remontrances qu'il fut possible à femme de bien. Et lui, qui n'avoit amour que bestial, qui eût mieux entendu le langage des mulettes que ses honnêtes raisons, se montra plus bestial que les bestes, avec lesquelles il avoit testé longtemps, car, en voyant qu'elle courroie si tôt à l'entour d'une table, et qu'il ne la pouvait prendre, et qu'elle estoit si fort que par deux fois elle s'estoit défecte de lui, désespérée de jamais ne la pouvoir avoir vive, lui donna si grand coup d'épée dans les reins, pensant que si la peur et la force ne la voient peut faire rendre, la douleur le feroit. Mais ce fut au contraire, car tout ainsi qu'un bon gendarme, quand il veut son sang et plus échauffé à se venger de ses ennemis et acquérir honneur, ainsi son chaste cœur se renforça doublement à courir et fuir des mains de ce malheureux, en lui tenant les meilleurs propos qu'elle pouvoit pour cuider par quelque moyen le réduire à communoistre ses fautes. Mais il estoit si embrassé de fureur qu'il n'y avait en lui lieu pour recevoir nul bon cousté, il lui redonna encore plusieurs coups pour lesquels éviter tant que les jambes la peur portée courroient toujours. Et quand, à force de perdre son sang, elle sentait qu'elle approchoit de la mort, levant les ailes au ciel et joignant les mains, rendit grâces à son Dieu, lequel elle nommoit sa force, sa vertu, sa patience et chasteté, lui suppliant prendre en gré le sang qui, pour garder son commandement, estoit répandu en la révérence de celui de son fils, auquel elle croyoit fermement tous ses péchés être lavés et effacés de la mémoire de son ire, et en disant « Seigneur, recevez l'âme qui, par votre bonté, a été rachetée », tomba en terre sur le visage, où ce méchant lui donna plusieurs coups. Et après qu'elle eut perdu la parole et la force du corps, ce malheureux print par force celle qui n'avoit plus de défense en elle. Et quand il eut satisfaite à sa méchante concupiscence, s'enfouit si hastivement que jamais depuis, quelque poursuite qu'on en effecte, n'a pu être retrouvée. La jeune fille qui estoit couchée avec la muletière pour la peur qu'elle avait eue, s'estoit cachée sous le lict, mais voyant que l'homme estoit dehors, vint à sa maîtresse et la trouva sans parole, ni mouvement, cria par la fenêtre au voisin pour la venir secourir, et ceux qui l'aiment moi et estiment moi autant que femme de la ville, vinrent incontinent à elle et amenèrent avec eux des chirurgiens, lesquels trouvèrent qu'elle avoit 25 plaies mortelles sur son corps, et faire ce qu'ils purent pour lui aider, mais il leur fut impossible. Toutefois, elle languit encore une heure sans parler, faisant signe des yeux et des mains, en quoi elle monstroie n'avoir perdu l'entendement. Et s'étant interrogée par un gnome d'Esglise de la foi en quoi elle mourroie, de l'espérance de son salut par Jésus-Christ seul, respondoit par signe si évident que la parole n'eusse mieux montré son intention, et ainsi, avec un visage joyeux, les oies élevées au ciel rendit ce chaste corps, son âme, à son Créateur. Et, sitôt qu'elle fut levée et ensevelie, le corps, mis à sa porte, attendant la compagnie pour son enterrement, arriva son pauvre mari, qui veille premier le corps de sa femme mort devant sa maison, qu'il en avoua seule et nouvelle, et, s'enquérant de l'occasion, eut double occasion de faire deuil de ce qu'il fait de telle sorte qu'il y cuida laisser la vie. Ainsi fut enterré ceste martyr de chasteté en l'église de Saint-Florentin, où toutes les femmes de bien de la ville ne faillirent à faire leur devoir de l'honorer autant qu'il estoit possible, se tenant bien heureuses d'estre de la ville où une femme si vertueuse avoit esté trouvée. Les folles et légières, voyant l'honneur que l'on faisoit à ce corps, se délibérèrent de changer leur vie en mieux. Voilà, mesdames, une histoire véritable qui doit bien augmenter le cœur à garder cette belle vertu de chasteté. Et nous, qui sommes de bonne maison, devrions mourir de honte de sentir en notre cœur la mondanité pour laquelle éviter une pauvre muletière n'a point craint une si cruelle mort. Et telle s'estime femme de bien qui n'a pas encore su, comme ceste-ci, résister jusque au sang. Par quoi se faute humilier, car les grâces de Dieu ne se donnent point aux hommes pour leurs noblesses et richesses, mais selon qu'ils plaisent à sa bonté, qui n'est point accepteur de personne, lequel esslit ce qu'ils veulent. Car ce qu'il a esslu l'honneur de ses vertus, est souvent esslit les choses basses pour confondre celles que le monde estime hautes et honorables, comme lui-même dicte, ne nous réjouissons de nos vertus, mais en ce que nous sommes inscrits au livre de vie, duquel ne nous peulent effacer mort, enfer, né péché. Il n'y eut d'âme en la compagnie qui n'eut la larme à l'œil pour la compassion de ceste piteuse et glorieuse mort de ceste muletière. Chacune pensa en elle-même que si la fortune leur advenait pareille, m'octroie peine de l'en suivre en son martyre. Et, voyant madame Oisille que le temps se perdoit parmi les louanges de ceste trespassée, dit à s'affredant, si vous ne dictez quelque chose pour faire rire la compagnie, je ne sais nul d'entre vous qui peut te rhabiller à la faute que j'effecte de la faire pleurer, par quoi je vous donne ma voix pour dire la tierce nouvelle. S'affredant, qui eût bien désiré pouvoir dire quelque chose qui eût bien ostesté agréable à la compagnie, et sur toutes à une, dit qu'on lui tonnoie tort, veut qu'il y en avoit de plus anciens expérimentés que lui, qui devoit parler premier que lui. Mais, puisque son sort estoit tel, il en est moins mieux sans despêcher, car plus il y en avoit de bien parlants, et plus son compte sera trouvé mauvais.